plus tendu, je suis bien soulagé. Putain, ça se voit pas ou quoi? La vie de merde. Allez, donne-moi une spinner, toi, grosse merde. Tu vas chez con ou quoi? Allez, tes poches. Allez, mets tes poches. Attends, je vais bricoler. Lâche tes poches. Lâche tes poches, dégage. Grosse pute, tu vois, je te vois pas. Dégage. Il est tombé à côté de toi. Casse-toi. Ouh là là, t'es bon, père. Comme ça, tu vois les miguels là, tu sors pour ça, je la mangerai plus. Mais bonne idée. Moi, Nassim, moi, le truc est là, elle m'a dit.